Pour déception sur déception. Yolizi baya bon moi. Esika natia kamote manangai. Ozali tonga oye tonga kamitema ya baye bazuki sami. Opangusaka pinzoli na baye bazakolela. Oza malamu Yesu. Je vais jurer son nom. Adonai est son nom. Giovanni si est son nom. Pour l'éternité. El Shaddai est son nom.